venus s'installer sur ma carcasse. Ils ont parlé à voix basse, ils ont marché les pieds nus. J'ai goûté les mélodies qui me venaient aux oreilles, et les anges avaient sommeil, c'est moi qui leur avais dit. D'une femme, on m'a appelée madame, on m'a donné des enfants. Quelques-uns cruels aussi ont ironisé mon sort, ils m'ont fait frôler la mort en voulant me donner vie. Oui, on m'appelle la lune, on m'appelle la lune. Parle de moi. Oui, on m'appelle la lune. On m'appelle la lune. On parle de moi. Très souvent, on m'a doté d'une faiblesse d'esprit. Lorsque d'autres plus hardis ont voulu me décrocher. Changer, disent certains astronomes, parce qu'il y a deux hommes qui ont pris ma virginité.